Oh, mes amis, ah, quelle journée. Comme vous le savez, j'avais rendez-vous à la piscine avec une équipe de natation synchronisée. Alors je sors des vestiaires et je m'apprête à fendre l'écume municipale, que d'un seul coup j'entends hurler le maître nageur de service. Eh, vous là-bas sur le plongeoir, allez tout de suite mettre un maillot de bain. Histoire de pas faire d'esclandre, je retourne au vestiaire à la recherche d'une victime à qui je pourrais voler un slip de bain. Personne. Ah bah, personne, sauf un enfant âgé de 8-9 ans qui cherchait sa bouée. Me voilà donc de retour près du grand-mât avec un maillot. Un peu petit, certes, mais un maillot quand même. Pour la deuxième fois, je m'apprêtais à plonger dans l'onde, quand qui revient? Oh, le casse-pied de service avec ses claquettes et son sifflet autour du cou. Qu'est-ce qu'ils me veulent, CRS? Comment ça, faut que je change de maillot, il est trop juste celui-là. Mais vous rigolez ou quoi? C'est la dernière mode en matière de vêtements de nage. Mais non, c'est pas mes couilles qui dépassent, c'est deux flotteurs intégrés à la tenue. Je vous avais dit, c'est ce qui se fait de mieux, mon maillot. Hein? Non, ça va pas être possible que j'enlève les flotteurs. Allez, vous soyez là, je vais faire quelques longueurs avant que les radars synchronisés arrivent. Comme il était pas trop compréhensif, je l'ai attaché à la ligne de flottaison et hop, j'ai commencé à nager. Alors, tel un alligator sous amphétamine, je traversais le bassin à la vitesse d'un hors-bord. Je sentais bien qu'autour de moi, des yeux médusés étaient en train de suivre la coulée limpide et foudroyante à la fois de ma progression. Je savais bien que les enfants me voyant s'imaginaient avoir affaire à une espèce de Tarzan urbain, que les femmes se retenaient pour ne pas hurler comme des otaries en chaleur, et que les hommes enviaient la rigidité de mes fessiers et le fuselage de mes cuisses. Puis d'un seul coup, j'ai senti comme une retenue, un frein dans ma progression d'espadon sauvage et libre à la fois. Je sors la tête de l'eau et qu'est-ce que je vois au bout de mon bras? Une vieille femme encore toute gigotante. Merde! Par la Sainte Syphilis du Kaiser! Je venais de traverser à grande vitesse le cours d'aquagym du troisième âge et j'avais empalé la doyenne! Comme j'ai des principes et que j'aime bien donner l'exemple, je sors de l'eau, je vais mettre la vieille à la poubelle et je retourne à mon exercice. Alors, comme la piscine commençait à se remplir de gamins, j'ai décidé d'aller nager sous l'eau. Et puis d'un seul coup, alors que je me trouvais en plein milieu du bassin, on me tape sur l'épaule. Je me retourne et là, qu'est-ce que je vois? Une sirène! Une sirène, déjà, ça surprend. Mais en plus, elle s'est mise à causer. Salut à toi, ô belle athlète des abysses. Je m'appelle Croustibat, la fille du capitaine Igloo. Je suis venu avec mes sœurs pour t'interpréter la danse des méduses de Lesbos. Oh, doux Jésus. Quel spectacle de feu. Une féerie aqua érotique torride qui rendait mon maillot de bain encore plus étroit. Au bout de 23 secondes, j'ai légèrement craqué. J'ai chopé la première qui me passait sous la main et j'ai hurlé. C'est comme ça, les morues! Vous allez voir ce que c'est que de chauffer le grand squale du Tyrol! Ah, vous croyez que je vais rester au fond de la flotte à vous reluquer les nageoires sans rien dire, pendant que vous faites la farandole des moules qui se mordent l'arrêt? Eh ben, vous vous trompez! À l'attaque! Et c'est grâce au coup de filet strident du maître nageur que j'ai repris mes esprits. Ah, jamais il n'y avait eu de sirène. C'était juste les filles de la natation synchronisée qui étaient rentrées dans l'eau sans que je m'en aperçoive. Je ne me souvenais plus que passé 55 minutes en apnée, j'ai commencé à avoir des hallucinations. Bon, je vous laisse, faut que je vous laisse.